de Retour à Futur Simple sur CKRL 89.1. L'architecture en Égypte antique est très bien documentée, surtout pour les périodes dynastiques et leurs constructions monumentales. On utilise essentiellement la pierre pour bâtir les temples et les tombes, comme le granit, le grès, le calcaire. Mais étonnamment, on utilise aussi la brique d'argile, ce dont va nous parler Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors oui, l'architecture en Égypte antique est très bien documentée, surtout pour les périodes qui sont dynastiques, celles qu'on reconnaît avec les constructions monumentales, avec les pyramides entre autres. Et comme tu l'as dit, on utilise principalement la pierre pour bâtir les gros monuments, donc les temples et les tombes, comme le granit, mais la brique d'argile est aussi utilisée, ce qu'on appelle aussi la brique crue. On l'utilise pour des palais, des forteresses, mais aussi pour des constructions qu'on pourrait qualifier de plus modestes ou de plus ordinaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un site archéologique qui s'appelle Tel el Farka, qui est situé à 120 km au nord du Caire et qui nous a apporté de nouvelles informations concernant les constructions en briques crues. Pourrais-tu tout d'abord nous dire qu'est-ce que c'est de la brique crue? En fait, c'est une brique qui est un mélange de terre et de paille et que l'on va mettre dans des moules de bois pour leur donner une forme identique. On va les faire sécher au soleil par la suite pour les faire durcir. Et la composition de ce matériau-là est fort peu résistant au temps, si on veut. Donc, ça permet de l'utiliser que dans des conditions météorologiques qu'ils permettent. On parle essentiellement des pays au climat sec, dont l'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est que même si on a un matériau qui est fragile, il reste beaucoup d'exemples de l'utilisation de ces briques-là dans les bâtiments de l'Égypte ancienne, comme à Hiéracompolis, qui fut en fait la capitale politique et religieuse de la Haute-Égypte, et comme sur le site archéologique que je vous parle aujourd'hui, le Tel el Farka, qui est une petite bourgade qui, elle, se situe dans la Basse-Égypte. Et le cas de Tel el Farka est intéressant parce qu'on va y retrouver une série de bâtiments en briques qui va de simples installations de brasserie à un complexe qui est beaucoup plus monumental. Et cette continuité-là dans le temps nous donne une chance assez unique, si on veut, de retracer, de comprendre le processus du développement de l'architecture sur ce site-là en particulier. Et on peut même jusqu'à extrapoler, si on veut, pour le delta en général, surtout que les sites qui entourent Tel el Farka nous ont pas vraiment offert beaucoup d'informations sur l'architecture, car il y a très peu de vestiges archéologiques qui ont été préservés à cause des nombreuses crues du Nil qui peuvent facilement mettre à terre là, les constructions en briques. Et Tel el Farka devient donc une source d'information la plus importante sur les débuts de l'architecture de briques en argile à la Basse-Égypte. Et à quel moment les Égyptiens commencent-ils à utiliser de la brique crue? L'utilisation de la brique d'argile en Égypte provient d'une période très reculée de l'histoire. On sait qu'elle commence avec l'apparition de la culture Nagada II, soit vers 3500 ans avant notre ère. Donc, ça fait longtemps. Et à cette époque-là, on se retrouve à la période qui est pré-dynastique, donc avant les dynasties pharaoniques, avec, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les temples et les pyramides. On a la phase 1 de la culture Nagada, des habitations qui sont en structure légère, comme le bois et le roseau, mais on voit quand même de temps à autre quelques tentatives en briques dans le sud de l'Égypte. Il s'agit surtout des bâtiments où il y a normalement un contact avec le feu, tels que des brasseries ou des fours à pain. À la deuxième phase, lorsqu'on en voit davantage, on voit qu'il y a un effort puis un talent un peu partout à travers l'Égypte. On va construire en dur pour s'installer confortablement, mais aussi de façon permanente. Et aussi, c'est pour protéger les villages, parce qu'on va voir beaucoup de murs en briques, des murs d'enceinte en dur. Et les villes, dont Tel el Farka, sont construites sur des coms. C'est des collines qui sont naturelles. Okay. Et je le rappelle, les populations vont choisir des terres fertiles du Nil, mais il y a les crues qui sont nombreuses et assez dévastatrices. Donc, se construire en hauteur va être la chose la plus logique à faire. Mais si on revient aux constructions de briques, la plus vieille structure en briques à Tel el Farka, elle est rattachée à une brasserie. Et retrouve-t-on plusieurs brasseries à cette époque et à quoi ressemble ce genre de bâtiment? Oui, en fait, ça peut être surprenant en fait de trouver de la bière en Égypte, mais en fait, c'est même pas eux qui l'ont trouver. C'est une confection des Sumériens. Okay. En fait, on peut dire que les Égyptiens ont perfectionné l'art de la confection de la bière. Mais à cette époque-là, la bière est souvent plutôt une chose domestique. Donc, c'est les femmes qui vont en faire dans leur cuisine. Mais un petit peu plus tard dans l'histoire égyptienne, on va trouver des brasseurs qui vont produire des plus grandes quantités pour éventuellement les vendre dans des tavernes ou même dans les palais. Donc, c'est assez surprenant de voir aussitôt dans l'histoire de Tell el-Farka une brasserie. En plus, les vestiges de la brasserie ont été découverts sur des anciennes vestiges de brasserie, donc c'est dire qu'il y en a toujours eu dans ce petit village-là. Okay. Et les vestiges témoignent de peu de choses, toutefois, de ce qu'on a trouvé pour l'instant. On se retrouve avec deux cercles qui sont côte à côte, où les briques vont délimiter le sol, et ces dernières sont enlignées diagonalement vers le haut, de manière un peu à créer un réceptacle pour asseoir les grosses jarres dans lequel on faisait chauffer le mélange pour la bière. Et à cette époque-là, on utilise un mélange de miche de pain fermenté avec la levure et du miel ou des fois du sucre. Le bâtiment en soi de brasserie était quand même assez gros, on parle de 10 mètres par 17 mètres, et il était encerclé par un mur afin de le séparer ou du moins de délimiter par rapport aux autres constructions du village. On voulait sûrement contrôler l'accès à ce bâtiment-là. Tu nous parlais aussi de la présence d'une construction monumentale. Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'une tombe? Il est encore aujourd'hui difficile de lui attribuer cette fonction-là. Mmh. Le bâtiment en soi, il est grand, il est aussi entouré, tout comme la brasserie, d'un énorme mur de briques, même qui est plus massif et plus gros que celui de la brasserie. Mais la grosseur du bâtiment est assez impressionnante pour l'époque. On parle de 16 mètres par 18 mètres. Et on retrouve à l'intérieur de ce bâtiment-là plusieurs salles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la largeur des murs de ce bâtiment-là, qui est assez massif. On parle jusqu'à 2,5 mètres à certains endroits. Donc, c'est comme si on voulait un peu protéger quelque chose qui était à l'intérieur. Le bâtiment en soi aurait fait plus de 2 mètres en hauteur. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'a pas trouvé de porte d'entrée. Et on n'a pas non plus trouvé des objets qui auraient pu donner à penser qu'on faisait un rite funéraire, puis on n'a même pas trouvé d'ossement. Donc, c'est pour ça que c'est dur un peu de dire qu'on fait affaire avec une tombe. Mais il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, les défunts sont enterrés sous terre. Donc, ça peut vouloir dire que c'était clairement pas une tombe non plus. En fait, la façon d'enterrer les morts, c'est qu'on les enterrait, on les mettait sous terre, puis on accumulait un peu de terre par-dessus de façon à créer un peu un tumulus. Et on accompagnait tout le temps les morts de nombreux objets pour la vie après la mort. On peut toutefois dire que la grosseur de cette construction est somme toute particulière, n'est-ce pas? Oui. Surtout pour l'époque, on est dans une époque si reculée de l'histoire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de cette structure complexe-là, c'est qu'elle atteste à tout le moindre une stratification sociale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gros bâtiments, donc on sait que c'est quelqu'un qui devait avoir un certain pouvoir et de l'argent, en fait, pour pouvoir le construire. Mais aussi, c'est qu'on l'a délimité, on a limité l'accès avec un mur. Donc déjà que les murs du bâtiment étaient gros, mais là, on construit un autre mur pour le délimiter. C'est-à-dire qu'on pouvait pas laisser quiconque rôder autour. Donc on peut y percevoir un exemple qui serait primitif du cénotaphe, qui est à l'époque un monument ou un bâtiment, en fait, qui marque le règne d'une personne assez importante pour le village, sans y être le lieu du repos éternel. Donc, ça pourrait peut-être être un cénotaphe. Je crois qu'on peut quand même le voir comme étant des débuts de des sépultures monumentales là, qui vont donner naissance aux pyramides quelques dynasties plus tard. Il va être intéressant dans les futures recherches de voir comment l'utilisation qu'on a de la brique à Tell el-Farka s'inscrit dans l'ensemble de l'architecture égyptienne et éventuellement de la comparer avec des utilisations qu'on connaît mieux et qui sont tout aussi précoces comme celle à Hierakonpolis. Ceci va pouvoir permettre de mieux comprendre l'évolution de cette technique architecturale. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Dionne. On passe en pause publicitaire et peut-être même qu'on va faire peut-être une petite pause musicale aussi. Et on vous revient après avec Cyril Barrette et Boucard Diouf.